Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film pour nos jeunes amis. Chien et chat s'entendent depuis toujours comme chien et chat. Nous étions habitués à les voir se disputer, s'invectiver, se donner des coups de patte et des coups de griffe, mais voici qu'une féline en folie a choisi d'aller plus loin, beaucoup plus loin. Kitty Galore, ancienne espionne de l'agence Miaou, a décidé d'agir pour son propre compte. Dans 48 heures, si son plan diabolique aboutit, la race canine ne sera plus qu'un souvenir, et tous les félins du monde seront à ses pieds. Ici agent 127, fin du silence radio. J'ai repéré Kitty Galore. Votre mission vous sera révélée au QG. Cet écureuil va s'autodétruire. Mais d'abord, une petite danse. Ça boum le caïd. Voile. Non, pas trop. Oh, je vais gerber. Pour affronter une nouvelle race malfaisante. Je vais asservir toute l'humanité. Dis donc, t'as visé ses poils. Deux ennemis jurés vont devoir accomplir l'impensable. Les chats et les chiens vont devoir travailler en équipe. Est-ce que je suis le seul à penser qu'on est mal barré? Warner Brothers Pictures présente... C'est parti! Je ne trouve plus mon chien, est-ce que vous l'avez vu? Je kiffe l'espionnage canin! C'est un jour historique! Trois espèces prêtes à oublier leurs différences pour résoudre un mystère! Comme Chien et Chat, la revanche de Kitty Galore, un DVD Warner Home Video.